Alors, on a déjà parcouru l'ensemble des deux chapitres. Alors c'est bien, pour ceux qui n'avaient pas lu, ça ne veut pas dire qu'on peut faire ça tous les dimanches, hein, mais ça nous permet quand même d'être ensemble. On sait où on va, on a vu le texte, on l'a entendu en tout cas. Et avant de commencer, je voudrais juste qu'on prie pour vraiment qu'on puisse être prêt à entendre ces deux chapitres, ce que Dieu aurait pour nous. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour le miracle de ta grâce, ton amour pour nous. Qu'on soit là ce matin, Seigneur, c'est un miracle. Que tu nous aies sauvés, c'est merveilleux et je ne peux pas comprendre encore ce matin, Seigneur. Alors, s'il te plaît, sois glorifié aujourd'hui par la façon dont on entend ta parole, la façon dont on vit notre vie aujourd'hui et cette semaine. Et s'il te plaît, prépare nos cœurs, Seigneur. Garde-moi de l'erreur et permets-nous d'être attentifs, Seigneur, à ton Fils Jésus. Je demande ça en son nom. Amen. Alors, une petite introduction au contexte de ce qui se passe. On est dans Marc, il y a encore plein de et, ça avance très vite. Je ne sais pas si on va avancer aussi vite parce que. Oui, il est là, il me semble, hein. À un moment que c'est juste la carte. Alors, on va quand même donner une petite introduction au contexte, surtout si vous avez manqué les deux dimanches précédents, pour bien comprendre. On va essayer de rester autant possible dans le livre de Marc. Parfois, on bougera un petit peu. Et on a les chapitres 2 et 3. Ce qu'on remarque, vous l'avez vu, hein, on l'a vu avec les pharisiens ici dans les images, c'est toujours un affrontement entre Jésus d'un côté et les pharisiens, les scribes et les autres religieux de l'époque qui sont constamment en train de rentrer en collision par leurs avis. Il faut aussi comprendre que ce n'est pas un petit événement local chaque fois qu'ils se rentrent dedans. C'est quelque chose qui fait pas juste la presse locale et les faits divers, c'est quelque chose qui se répand dans toute la région, tout le pays est au tout courant. Quand Jésus dénonce quelque chose, ça passe au journal de 20 heures, ça passe à la une de la presse, tout le monde le sait et on verra pourquoi on sait que c'était vraiment un grand événement. Ce sont des événements populaires, d'énormes foules suivent Jésus partout depuis le chapitre 1. Vous vous souvenez, hein, on avait parlé de la purification de ce lépreux à la fin du chapitre 1, où cependant cet homme, une fois parti, Jésus lui avait dit, tu diras rien, hein, et ce lépreux se mit à proclamer partout la nouvelle et à la propager, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et on venait à lui de partout. D'accord? Alors, il y a une foule qui est constamment avec lui, et elle suit en direct 5 choses. La guérison du paralysé, et l'accusation de blasphème, l'amitié de Jésus avec les collecteurs d'impôts et les autres pécheurs, la controverse sur le jeûne, une controverse sur le sabbat en 2 feuilletons, et finalement, le clou du spectacle, dont on verra ça ce matin aussi, c'est la contestation de l'autorité. On dit, est-ce que Jésus fait ça par les forces de Dieu ou par les forces de Satan? Et pour ce grand affrontement, Marc écrit au verset 20 que Jésus et ses disciples, dont ses 12 nouveaux, parce qu'ils viennent les choisir, hein, mais plus que ça, ils se rassemblent et ils vont à la maison à Capernaum. Et le texte dit, ça on peut lire ensemble, hein, au verset 20 du chapitre 3, la foule se rassembla de nouveau. Toujours cette foule. Et qu'est-ce que cette foule? On va lire ensemble, chapitre 3, verset 7. Jésus se retira au bord du lac avec ses disciples. Une foule nombreuse le suivit, venue de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, de l'autre côté du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. Cette foule vint à lui car elle avait appris tout ce qu'il faisait. Alors, c'est pour ça que j'ai mis une carte. Marc dit en beaucoup de mots quelque chose qu'on pourrait dire en quelques mots. Les gens viennent de partout. D'accord? Ils viennent vraiment de partout. Si vous regardez la carte, j'ai plus d'exemplaires, voici, j'ai encore la carte. L'événement se passe à Capernaum, qui est près du lac de Galilée, ici. L'Idumée, c'est ici, donc ils viennent du sud d'Israël. Ils viennent de Tyr et de Sidon, qui est tout au nord de la carte. 150 km à la ronde, les gens viennent dans un pays très escarpé, où le seul moyen de locomotion, c'est les pattes, ils viennent à pied, 150 km à la ronde, pour voir Jésus. Et en plus de ça, l'ambiance est dingue. Si on continue à lire, on découvre que les malades sont en train de se jeter sur Jésus pour le toucher, et que les démons se mettent à crier, se prosternent devant Jésus, et crient « Tu es le Fils de Dieu !» L'ambiance est folle. On a des milliers de personnes qui se rassemblent, tout ça est en train de se passer. Et dans ce contexte, on va lire les 5 controverses avec les pharisiens. Alors, dans le récit de Marc, il y a 3 types, aussi en introduction, il y a 3 types de public. Soit on réagit comme la foule, soit on réagit comme les pharisiens, soit on réagit comme les disciples. Alors, je pensais que ça pourrait être utile quand même de parcourir, bon, on va le faire très rapidement, mais j'ai parcouru le livre de Marc, voir un petit peu les personnalités, surtout dans les chapitres 2 et 3, qui sont ces 3 personnages. Alors, la foule, elle court après le sensationnel. Et on peut le dire, autour de Jésus, c'est pas ça qui manque, ok? Paralysés qui se mettent à marcher, muets qui parlent, sourds qui entendent, aveugles qui voient, démoniaques qui sont libérés, morts qui reviennent à la vie. Autour de Jésus, le surnaturel, c'est naturel et la foule en raffole. Mais leur défaut, c'est quoi? Ben, que leur humeur est très changeante. L'un jour, ils vont acclamer Jésus et le suivant, on verra plus tard dans Marc, ils le laisseront tomber. Les pharisiens et les scribes sont l'élite de l'époque. Alors nous, aujourd'hui, quand on dit pharisien, j'en parlais encore ce matin, c'est négatif. Ah, c'est pas le pharisien. Et les pharisiens à l'époque, c'était l'élite, c'était les gens haut placés, c'était les érudits. Ils connaissaient par cœur leur Torah et ils sont super religieux. Pour eux, ce sont les apparences qui sont importantes, ça c'est Jésus qui les condamne pour ça. Ils sont tellement légalistes qu'ils ont ajouté des centaines de lois aux lois de Dieu dans l'Ancien Testament pour s'assurer qu'elles soient toutes respectées. Jésus les décrit comme des types qui mettent leur propre tradition au-dessus de la parole de Dieu. Et leurs défauts, bon, juste quelques-uns, hein. Bonne chance pour les voir sourire, ils te diront « Ah, la religion, c'est sérieux ». Et aussi, ils détestent Jésus. Ils sont jaloux, et on l'a vu, c'est déjà dans le chapitre 3, ils vont aller ensemble se concerter, voir comment tuer Jésus. Et alors, les disciples sont décrits par Jésus, comme des gars, par Marc, comme des gars normaux. Ça, je pense que vous l'avez vu quand même. Ils sont super lents à la détente parfois. On lit le texte et on se dit, mais pourquoi ils comprennent pas ça? Pourquoi ils comprennent pas ça? Mais ils vont suivre Jésus jusqu'au bout, peu importe le prix, et ils paieront tous cher. Soit on le voit dans les actes des apôtres, soit on le sait par l'histoire du christianisme. Et alors avec ça à l'esprit, on va s'attaquer à ces 2 chapitres formidables. Moi, j'ai vraiment eu un grand plaisir à le faire ce matin, cette semaine. Bah, ça fait plusieurs semaines déjà que j'étudie ces 2 passages. Ça va pas être facile, hein, en 45 minutes de parcourir 2 chapitres entiers. Il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à faire. Donc, on va se concentrer sur quel était le message que Marc avait, pourquoi il a mis à cet endroit ces passages, les chapitres 2 et chapitre 3. Alors, tout d'abord, première histoire, on est toujours dans le documentaire de Marc. Premier gros plan, il vient et il va étudier la guérison d'un paralytique. On va lire ensemble, encore une fois, Marc chapitre 2, versets 1 à 12. Alors vous y êtes tous, c'est bon? Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où ils se tenaient et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » On va s'arrêter là. Alors ce passage illustre, d'abord je pense Marc Lamy, pour montrer un exemple de ce qu'il vient de dire par rapport à « les foules sont énormes, on ne peut plus rentrer en ville, il y a trop de monde, regardez, si on rentre dans une maison, Tout d'un coup, les pompiers arrivent parce qu'il y a trop de monde même devant la porte. C'est terrible, c'est bondé, on ne peut plus rien faire. D'accord? On comprend que c'est une des raisons que Marc met ce contexte. Il y a plein de monde qui est là pour voir Jésus. Il fait des miracles. Ensuite, c'est particulier, ce passage, c'est la deuxième plus longue rencontre individuelle de l'évangile de Marc. Dans Marc 5, il y en a une plus longue, c'est un démoniaque. Ici, c'est un paralysé. Ces 12 versets, c'est assez rare pour Marc. Lui, il avance, il avance, il avance. Là, il prend du temps. Donc, on prendra aussi du temps ce matin. Et ce passage est détaillé. On connaît la ville, Capernaum, le lieu, à la maison, le nombre de personnes présentes, une foule. Même un exemple, la porte est bloquée. On sait que le brancard est porté par 4 hommes. Luc et Matthieu n'en parlent pas. Et si on relit la scène, ils ouvrent le toit. Ils font descendre le brancard devant Jésus. Et Jésus les voit. Et on s'attend à la réaction de Jésus quand il le voit. Jésus voit leur foi et on sait, tout le monde sait ce qui va se passer. Comme pour la belle-mère de Pierre, comme pour le démoniaque, comme pour le lépreux, comme pour les nombreuses guérisons et les malades qui étaient venus à lui dans le chapitre 1, on s'attend, il va guérir, se paralyser. La foule se rassemble ensemble, ils pressent Jésus, ils veulent voir les premiers pas de cet homme. Et Jésus, on a déjà lu, au lieu de dire « Lève-toi, marche », il choisit de dire quelque chose qu'il n'a jamais dit jusqu'à maintenant. Il dit « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés ». Et on peut se demander pourquoi il ne guérit pas. Le gars est évidemment venu pour ça. Il est venu pour être guéri. Et Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Alors tout de suite, Marc nous dit que les scribes, donc moi je vais intervertir assez facilement scribes et pharisiens, que les scribes et pharisiens présents disent en eux-mêmes, pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème, c'est-à-dire il insulte Dieu. Qui peut pardonner les péchés, ils disent, si ce n'est Dieu seul? Alors, par cette phrase, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés, Jésus vient de se lancer pleinement dans le débat, pleinement dans la confrontation avec les pharisiens. C'est parti, hein. Après, ça va s'enchaîner. Là, il vient de dire un truc, ils ne vont pas laisser passer. Parce que les pharisiens et les scribes et les prêtres le savent tous et ils ont raison, seul Dieu peut pardonner les péchés. Alors, par ces paroles, Jésus est en train de dire, je suis au même niveau que Dieu. Certains diront, et je l'ai encore entendu récemment, certains diront que Jésus était un grand homme. Les historiens reconnaissent qu'il était une figure historique, un grand prophète, un grand philosophe, à mettre au même rang que Bouddha, Mohammed ou Platon. Mais non, par ce texte, au tout début de l'évangile de Marc, Jésus se démarque de tous. Car contrairement à Platon, à Mohammed, à Bouddha, qui n'ont jamais affirmé être Dieu, Jésus ne se cache plus. Et les 4 récits de la vie de Jésus, dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, sont unanimes sur l'identité de Jésus. Alors, Jésus, quand il a dit ça, moi je ne sais pas si vous avez réagi. Waouh, il pardonne les péchés. Nous on est, en tout cas moi je suis, vraiment lent à être ému par ça. Jésus pardonne les péchés? Je n'ai pas une conscience du péché, ça m'a pris du temps. Mais dans le contexte, Jésus sait très bien que tout le monde va comprendre, seul Dieu pardonne les péchés. Il connaît mieux sa Torah que les pharisiens. Il la connaît aussi par cœur. Il sait qu'en disant « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés », il laisse tomber toute illusion sur son péché. Il n'y a plus de doute, il se déclare être Dieu. Il enchaîne donc avec une réponse aux pharisiens et il leur dit, et ça on va le lire ensemble, verset 8, tous ensemble, verset 8 du chapitre 2. Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Alors vous avez vu, il lit leurs pensées en plus. Alors ils viennent se dire Dieu, et ensuite il leur montre son pouvoir en disant, mais pourquoi vous pensez comme ça? Il sait très bien ce qui passe par leur tête. Qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Tes péchés sont pardonnés? Ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, Je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Alors évidemment, cette question, est-ce qu'on se l'est posée? Qu'est-ce qui est plus facile à dire? C'est plus facile de dire tes péchés sont pardonnés, parce que personne ne sait effectivement est-ce qu'ils ont vraiment été pardonnés. C'est quelque chose que seulement Dieu peut faire, mais bon, par contre, si moi je vais en rue et je dis on vient de créditer 1 million d'euros sur ton compte à la BNP, et le gars se retourne et me dit ben, je suis au crédit lyonnais, je sais que je suis grillé. On m'a tout de suite capté, on sait que c'est pas possible, je suis un menteur. De même pour Jésus, si lui il va et il dit lève-toi et marche, et le gars, ben, il n'arrive pas à bouger, il est attrapé. Et à cette époque où, avant et après, les guérisseurs, ça a toujours existé. Ça se trouve. C'est pas, ça court pas les rues, mais ça se trouve. Et c'est possible de guérir un paralysé. C'est possible. Ça s'est déjà fait. Par contre, pardonner les péchés, c'est du jamais vu. Alors, il est plus facile de le dire, peut-être, mais de le faire, pardonner les péchés, quand il dit quelque chose comme ça, on sait que ça ne passe pas. Seulement Dieu peut pardonner les péchés. Et c'est ce que fait comprendre Jésus par sa réponse. Il dit, « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, lève-toi, marche et rentre chez toi. » Il a fait cette guérison pour montrer, « J'ai le pouvoir de pardonner les péchés. » On arrive. Dans quelques semaines à peine, on va couvrir, comme Françoise a dit, la mort de notre roi Jésus pour nos péchés. Alors, Jésus a dit à son propre sujet dans Marc 10, 45, « Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Le prêtre, bon, je ne sais pas combien vous avez de notions de l'Ancien Testament, mais dans l'Ancien Testament, quand on voulait être pardonné des péchés, il fallait qu'on aille au temple, qu'on ramène une bête, que le prêtre l'égorge et qu'il nous mette du sang sur notre oreille droite, notre pouce droit et notre gros orteil droit. Et ensuite, il prononçait « Tu es purifié ». La purification des péchés était seulement possible par le sang d'un sacrifice. Alors quand Jésus est en train de dire « Tes péchés sont pardonnés », il est en train d'annoncer quelque chose, parce qu'il peut seulement pardonner par du sang. Au chapitre 14, quand Jésus comparait devant le grand prêtre, on lui demande « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Et Jésus répond « Je le suis. » Et il cite Daniel 7, on va le lire ensemble. Alors Daniel vient après Ézéchiel, ça c'est quand même un grand livre dans les prophètes. Je ne sais pas le plus facile, ce serait de passer par Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, puis Daniel. Alors, dans Marc 14, Jésus cite juste le début de Daniel 7, le verset 13. Vous y êtes? J'entends encore les pages tourner. Daniel 7, 13. Jésus dit au grand prêtre, « Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Quand Jésus parle de lui-même, comme dans Marc 2, 28 à propos du sabbat, il s'appelle le Fils de l'homme. La suite de Daniel 7 est fantastique, on la lit ensemble. Donc, il est venu dans les nuées du ciel, il s'est avancé vers l'ancien des jours. L'ancien des jours, c'est un terme pour désigner Dieu. Il s'est avancé vers l'ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Le grand prêtre connaît ce texte et sait que le Fils de l'homme de Daniel 7 est Dieu. Car Dieu donne à Dieu, c'est un texte particulier, Dieu donne à Dieu la domination, la gloire et le règne. Dieu ne partage pas sa gloire. Personne d'autre adore Dieu. Donc quand Dieu est en train de faire ça, c'est très clair que le Fils de l'homme est Dieu. Dès que le prêtre entend Jésus citer Daniel 7, il déchire ses habits et crie « Blasphème !» Et c'est pour cette raison que Jésus sera mis à mort dans Marc 14. Alors, si vous êtes comme moi, ça vous arrive d'avoir des doutes. Et peut-être même ce matin, pour une raison qu'on ignore, tu doutes de l'existence de Dieu. Mais objectivement, si on regarde au Jésus tel qu'il se décrit dans la Bible, là, en ce cas, dans Marc, on ne peut pas avoir de doute par rapport à la divinité de Jésus. Soit il était fou, soit c'était le plus grand homme, Dieu parmi les hommes. Et il n'y a pas d'autre alternative. Moi, quand j'ai lu ça encore cette semaine, quand Jésus dit « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés », non seulement il est en train de dire « Tes péchés sont pardonnés », il est en train de dire « Je suis Dieu et je vais aussi mourir pour les péchés », il est en train d'annoncer tout ça, « Tes péchés te sont pardonnés ». Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, lève-toi. Alors, est-ce que vous avez remarqué la joie de ceux qui sont guéris? Le lépreux, à qui on lui donne la purification, il devient pur, dans sa joie, il va et il proclame à tout le monde ce que Jésus a fait pour lui. Dans cette maison, il est dit que Jésus leur annonçait la parole. Ça, c'est au verset 2. Je pense que ce qu'il voulait dire par ça, c'était la même chose que dans Marc 1, où Jésus disait, quand il prêchait, « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez en la bonne nouvelle. » Alors, cette bonne nouvelle, effectivement, c'est que tes péchés se sont pardonnés. Alors, on peut se tester ce matin. Est-ce qu'on se sent, si on se dit chrétien, est-ce qu'on se sent cette joie profonde en nous de se savoir pardonné par le Dieu trois fois saint, créateur de l'univers tel qu'il se décrit dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Ce Dieu nous dit « Tes péchés sont pardonnés ». Est-ce qu'on ressent cette joie, cette libération? Et comment est-ce qu'on réagit à une bonne nouvelle? Ça, je me le rappelle souvent. Si dans ma semaine, il m'arrive où j'oublie, j'ai plus cette joie en Dieu, quand Carrefour fait des bonnes promotions, on le raconte aux voisins, on veut que les autres le sachent. Quand le médecin nous donne un traitement qui nous soulage, on en parle, on est heureux d'être soulagé de notre douleur. Et si quelqu'un d'autre a les mêmes symptômes, on lui en parle aussi pour qu'il soit aussi soulagé. Et quand le garage reprend notre voiture, 5000 euros de plus que l'Argus, on est content, on le dit. Est-ce que la bonne nouvelle, qui est infiniment plus importante que la reprise de ma voiture, est-ce que cette bonne nouvelle est contagieuse pour moi? Est-ce qu'elle me donne une joie qui je ne peux pas m'empêcher de la passer à d'autres? Est-ce que j'ai vraiment compris? Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Alors on va avancer. Juste quelques mots sur « afin que ». Vous avez remarqué, toujours dans cette même histoire, Jésus dit toutes ces choses, il comprend ce que disent les pharisiens par leurs pensées, il attaque les pensées et il dit « afin que vous sachiez ». Et ça, on ne pouvait pas louper. Marc est intentionnel quand il dit « afin que ». Jésus aussi est intentionnel puisque c'est lui qui le dit. On va lire Acte 2, 22 pour comprendre. Donc, souvenez-vous que Pierre est le père spirituel de Marc. En tout cas, c'est ce qu'on pense comprendre. Et que c'est sans doute Pierre qui a raconté à Marc toutes les histoires de la vie de Jésus, tout ce qu'il avait fait, ou même peut-être qui était qui avait dicté à Marc pour lui dire voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Donc, on va aller voir Pierre ce qu'il dit. Et si on comprend un peu la pensée de Pierre, on peut comprendre Marc. Et Marc 2, 22, Pierre prêche, dans Acte 2, 22, Pierre prêche un grand nombre de Juifs qui sont rassemblés à la Pentecôte, et il dit, « Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui, au milieu de vous, des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Dieu vous a désigné ou attesté ou confirmé Jésus par des miracles, des signes et des prodiges. Donc Pierre est en train de dire que une des raisons qu'on peut voir l'authenticité de Jésus, c'est parce que justement le Saint-Esprit était en train de lui donner de la force, du pouvoir, et plein de grandes choses se passaient. Et alors si on retourne à Marc, on peut dire que c'est intentionnel de Marc de mettre les mots « afin que ». C'est les mots de Jésus. Parce que les nombreux autres miracles, guérisons, exorcismes, on est au début du livre de Marc encore. Le reste, il y en a encore plein, plein de guérisons, plein de miracles, plein de démoniaques qui vont être libérés. Tout ça, c'est pour montrer que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. C'est pour attester à qui est Jésus. Alors, on va passer à la scène suivante. On change un petit peu. À partir du verset 13, Jésus quitte la maison pour aller au lac pour enseigner. En partant, il voit un collecteur d'impôts, on a déjà vu ça dans les photos. Un collecteur d'impôts est là, du nom de Lévi, alias Marc, et on lui dit, Jésus lui dit, suis-moi. Matthieu. Et lui dit, suis-moi. Pensez aujourd'hui au fisc, aux impôts, c'est pas des gars qui sont super aimés, c'était encore pire à l'époque, c'était des collabos, parce que l'impôt était collecté pour l'Empire romain, pour César, c'était les occupants, et donc si tu étais fonctionnaire aux impôts, ça voulait dire que tu étais collaborateur avec l'ennemi. Et alors là, Jésus est en train de dire à l'un d'eux, à l'un de ses collabos, viens, suis-moi, deviens mon disciple. Et plus tard, il va lui dire, deviens mon apôtre. Alors, bien sûr, les pharisiens sont là, ils n'ont pas loupé ça. Et ensuite, ils vont à une fête, invitée par Matthieu, et le texte nous dit, on peut lire ensemble, verset 15 du chapitre 2, « Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. » Alors là, on s'imagine une grande fête, d'accord? C'est une grande fête et les pharisiens sont scandalisés que Jésus soit en train de manger avec des collaborateurs et des gens de mauvaise vie, des pêcheurs, comme dit le texte. Et on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est, mais évidemment, ce n'est pas la haute société, c'est la racaille, ce sont les pécheurs. Alors, ces pharisiens viennent voir les disciples, et ils sont provoqués, ils vont voir les disciples, et ils leur demandent, pourquoi mangent-ils avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? Et le texte nous dit, verset 17, « Jésus, qui les avait entendus, leur dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et là, on est obligé de s'arrêter. On continue, tout comme il a dit, je suis venu, tout comme il a dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Là, il est en train de continuer dans cette même lignée, c'est intentionnel, et il dit, je suis venu sauver des malades. Pas les personnes qui n'ont pas besoin de médecins. Je suis venu purifier des pécheurs, pas des justes. Et alors, pour les enfants, ce matin, on avait parlé des justes. Le juste réfugiera en l'éternel. Deux façons de voir le mot juste. Ici, est-ce que Jésus est en train de dire, les pharisiens, vous êtes justes, ça veut dire vous êtes justifiés, vous n'avez pas besoin de moi. Est-ce que c'est ça qu'il est en train de dire? Évidemment, on sait que ce n'est pas ça. C'est l'ironie, il se moque d'eux, dans un sens. Parce qu'il est en train de dire, le chapitre suivant, on sait qu'ils sont jaloux, ils sont un peu incapables de compatir parce qu'il y a un homme qui est malade dans la synagogue le jour du sabbat, et le dire, ah, peut-être Jésus va le guérir. Ils sont en train de dire, ah, j'espère qu'il va essayer de le guérir parce que c'est le jour du sabbat et là on va le tomber dessus. Donc ils sont complètement tordus dans leur pensée, ils voient que seulement comment ils peuvent attaquer Jésus, ils sont incapables de compatir, ils vont essayer de tuer Jésus, ben, ils veulent déjà comploter pour tuer Jésus au chapitre 3, et ils sont jaloux, et c'est pour ça, Marc nous dit, c'est pour ça qu'ils ont livré Jésus à être crucifié. Alors, quand Jésus dit ça, et là on va passer un peu de temps, pour découvrir le secret de la guérison, évidemment, si j'étais d'un arrière-plan charismatique, c'est très important, le secret de la guérison, c'est comme ça qu'on parle, mais Jésus aussi, en parle et il dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alors qu'est-ce que c'est le secret de la guérison? Ben, il faut se reconnaître malade avant de pouvoir être guéri. Et si on ne se reconnaît pas pécheur, il n'y a toujours pas d'espoir pour nous. Parce qu'on ne reconnaît pas notre dette, on ne reconnaît pas notre besoin, on ne reconnaît pas qui on est. Alors c'est comme ça que je lis ce texte, il n'y a pas vraiment d'illusion possible, pas de doute. Quand Jésus dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés, et le paragraphe suivant, il est en train de dire, je suis venu sauver les pécheurs, pas les justes, il est en train de dire, tant que tes yeux sont fermés à ton péché, je ne peux pas te sauver. Alors, la Bible dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Pour certains d'entre nous, ce matin, on le ressent. C'est très fort en nous, on sait qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Mais on doit aussi admettre qu'on se durcit le cœur très rapidement. Et c'est pour ça qu'on a besoin l'un de l'autre, et c'est un miracle du Saint-Esprit qui nous donne un cœur constamment attentif à Dieu. Alors, ce matin, réfléchissez rapidement. Est-ce que nous, on est venu avec un cœur tendre et on est brisé par notre péché? Sinon, il n'y a pas de repentance. C'est ça que dit Jésus. Parfois, on a plutôt l'attitude, Dieu a de la chance de m'avoir ce matin dans l'église. Je suis un gars bien. Et dans ce cas-là, aïe! Fais attention, il n'y a pas de pardon pour ceux qui ne sont pas malades. Et si vous êtes déjà allé à un enterrement récemment, je m'en souviens d'un, j'étais assez petit encore, mais on avait vraiment l'impression que c'était un gars super bien qui était mort. On parle que des bonnes choses qu'il a fait dans sa vie. Combien c'était un gars qui était aimé de tous, combien il avait donné de sa vie. Alors que bon, si on le connaît, on se rend compte que ce n'était pas ça le gars. Et donc aujourd'hui, peut-être pour nous c'est difficile, mais on a cette notion qu'on est un gars bien, et Jésus nous dit, si tu penses être un gars bien, si tu penses être une femme bien, tu n'as pas besoin de moi, et donc on est mal, parce qu'on sait que Jésus est le seul chemin vers Dieu. Alors, Dieu ne voit pas les choses de cette manière, on l'a dit, car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu, et aussi le texte continue, ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous, c'est Dieu qui nous le dit dans Romains. Et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible. En somme, nous sommes devenus nos propres dieux. Et là, c'est peut-être difficile. Hein. Le péché, ce n'est pas quelque chose de confortable pour nous. On n'en parle pas. Même entre chrétiens, on ne va pas se le dire l'un à l'autre. Et je sais, on va avancer. Marc avance, je vais avancer. Mais est-ce qu'on a compris ça? Est-ce qu'on n'est pas tombé dans le piège de devenir notre propre dieu? Le péché, c'est horrible, parce que nous disons, là, par le péché, que la gloire de Dieu n'est pas assez importante, qu'elle n'a pas assez de grande valeur pour qu'on donne toute notre attention, tous nos efforts, toute notre admiration à la gloire de Dieu. On dit, il y a autre chose qui peut nous satisfaire aussi. Et alors, je vais juste poser encore une question. Et je sais que ce n'est pas facile, hein, c'est le péché. Mais c'est super important si Jésus l'a dit. La Bible dit que tu n'auras pas d'autre Dieu que Dieu. Il faut comprendre par là que l'idolâtrie est un péché. L'idolâtrie, c'est mettre quelque chose d'autre à la place de Dieu. Ou autre chose à la première place dans notre vie, à part Dieu. Alors que ce soit notre sexualité, notre argent, notre copain ou notre copine, notre mari ou notre femme, nos enfants, notre éducation, notre métier, notre temps, notre réputation, si on leur accorde plus d'importance qu'on accorde à Dieu, on est idolâtre. Moi, je suis convaincu de mon péché. Juste par ce commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Je suis coupable. Mais est-ce que je m'en rends compte? C'est pas facile. On se durcit très rapidement. Et donc, on doit prier. Dieu, s'il te plaît, donne-moi un cœur brisé qui déteste le péché et qui t'aime, toi et ta gloire. S'il te plaît. Alors, on va continuer, on va avancer pour qu'on arrive ensuite à ce blasphème du Saint-Esprit. Je suis sûr que tout le monde s'est posé la question, c'est quoi ça? Est-ce que j'ai déjà fait? Mais avant d'y aller, si vous avez lu Marc cette semaine, il y a un passage, je suis sûr, je dis, mais c'est quoi ce passage? Alors, c'est quand les disciples, on remarque que les disciples de Jésus ne jeûnent pas. C'est-à-dire, ils ne font pas un jeûne rituel où ils arrêtent de manger un jour ou deux jours par semaine. Et on va aller vite, hein, on va aller vite. Mais les pharisiens posent cette question parce que eux, ils jeûnent deux fois par semaine. Ça, on le sait de Luc 18, verset 12, où il y a justement ce pharisien et ce collecteur d'impôts qui sont tous les deux en train de prier et de prier à Dieu. L'un, le pharisien, se dit « je suis un gars bien » et il mentionne « au passage, je jeûne deux fois par semaine » et le collecteur d'impôts, il dit « je suis un pécheur, je ne mérite rien ». Et on a ce contraste. Et là, on sait que les pharisiens jeûnent rituellement deux fois par semaine. Et souvenez-vous que Jésus vient de sortir de la fête chez Matthieu. Hein. Ils ont mangé beaucoup. Et toute la réponse de Jésus qui donne aux pharisiens par rapport à leur question « pourquoi est-ce que tes disciples ne jeûnent pas ?» semble parler du jeûne. Et on ne va pas lire la réponse. On va simplement, ça c'est pour vous, hein, que veut dire Jésus par ce texte où il parle de outre et de vieux habits et de nouveaux habits et de noces. Jésus, le bon vivant, qui aime la bonne nourriture, indique qu'il y a encore de la place pour jeûner, mais un nouveau jeûne sur un nouvel habit, dans une nouvelle outre, car le Messie est parmi nous, le légalisme, c'est parti, on a Jésus, on a beaucoup plus de joie aujourd'hui, on sait qu'il revient bientôt. Quand on jeûne, le jeûne, c'est un nouveau jeûne, c'est pas comme les pharisiens le faisaient, c'est une nouvelle manière de jeûner, et ça, il faudrait qu'on en parle plus une autre fois. Le jeûne, c'est encore d'actualité. Alors, on arrive au dernier passage. Alors, souvenez-vous, hein, on va arriver au verset 20 du chapitre 3. Après le choix des 12 apôtres, on rentre à la maison pour la mise en scène du grand affrontement. Alors, la foule se rassemble de nouveau, de sorte qu'on ne pouvait même pas manger, c'est Marc qui le dit, et on sait combien cette foule attend quelque chose de grand. Les évangiles de Matthieu et de Luc nous font comprendre que Jésus vient de guérir un homme possédé par un esprit muet et aveugle. Et quand le muet se met à parler, Luc dit que la foule était en admiration. Et Matthieu dit que les gens se disaient « Est-ce que c'est pas lui le fils de David ?» à comprendre « Est-ce que c'est pas lui le Messie ?» Et pour sa part, Marc ajoute un détail. On va le lire, verset 21. « Lorsqu'ils l'apprirent, les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui, car ils disaient « Il a perdu la raison. » Alors on a la foule qui s'attend à quelque chose de spectaculaire. On a les pharisiens qui viennent de comploter, de tuer Jésus et sont maintenant aux aguets pour toute petite erreur, tout ce qu'ils pourraient dire, qu'ils pourraient attaquer. Et on a la famille de Jésus qui arrive et ils pensent qu'il est devenu fou. Et alors lisons le texte. Marc 3, 22. Pour découvrir ce passage qui est assez connu. On s'est tous posé la question, à un moment ou à un autre, je pense, est-ce que j'ai commis ce péché impardonnable? Voilà ce que Jésus dit. Bon, d'abord, les spécialistes de la loi, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient « Il a en lui Béelzébul, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole « Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est confronté à des luttes internes, ce royaume ne peut pas subsister. » Et si une famille est confrontée à des luttes internes, cette famille ne peut pas subsister. Si donc Satan se dresse contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas subsister, c'en est fini de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord attaché cet homme fort. Jésus annonce déjà par là, je vais attacher cet homme fort, c'est fini de Satan, je vais mourir à la croix et je vais triompher au-dessus de lui. Et Jésus continue, je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il mérite une condamnation éternelle. Jésus parla de cette manière parce qu'il disait, il a en lui un esprit impur. Alors, est-ce que vous vous êtes posé la question, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Alors, selon l'accusation des pharisiens, Jésus chasse les démons, le démon qui vient de chasser, hein, l'esprit muet et aveugle, chasse les démons par Béelzébul. si on regarde le mot, c'est un peu marrant, c'était une façon juive de se moquer de Satan. Belzéboul, c'est le dieu du fumier, ou le dieu des mouches. C'est un mot, le gars horrible, le mauvais démon là. Il serait possédé par Belzéboul. Et Jésus répond en leur montrant, on vient de le lire, la stupidité de leur argument. Il dit, attendez, un royaume qui est divisé ne peut pas tenir, qu'est-ce que vous racontez? Et il dit, ben non, c'est le contraire. Le royaume de Dieu est parmi vous. Luc et Matthieu en parlent. Le royaume de Dieu est parmi vous. C'est pour ça que tous ces miracles se produisent. Mais alors, c'est quoi ce péché? Et on va aller vite. Ce qu'il faut lire et comprendre, c'est que Jésus parla de cette manière, dernier verset, parce qu'il disait, il a un esprit impur. Ce que les pharisiens étaient en train de dire, c'était avec intention de nuire. Ils regardaient ce que faisait Jésus, étaient jaloux de ce que faisait Jésus, et c'était clairement visible que c'est une œuvre du Saint-Esprit qui est en train de se faire, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est en train de faire des miracles, et les pharisiens sont en train de dire, il le fait par la puissance de Satan. Et ça ne passe pas. On ne peut pas, de cette manière, s'endurcir et dire à une œuvre visible du Saint-Esprit, c'est de Satan, c'est ça de péché impardonnable. Alors, on va avancer avec la dernière, ce sera la conclusion. Le dernier passage, et si vous êtes comme moi, vous l'avez peut-être même loupé. Parce que la première lecture, je l'ai loupé. Verset 31, on a Marc qui continue cette histoire, qui n'est pas repris par les autres. Ses parents qui pensent qu'il est fou, bon, sa famille qui pense qu'il est fou. Et le verset 31 dit, sa mère et ses frères arrivèrent donc. Ils se tenaient dehors et l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te cherchent. » Et Jésus répond, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, il promena le regard sur ceux qui étaient assis autour de lui et il dit, « Voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Alors, je ne sais pas pour vous, mais le Jésus de Marc me donne tellement envie. J'ai tellement envie de le connaître, tellement envie d'être proche de lui. Et cette semaine, c'est un grand plaisir de lire Marc tel qu'il est dans chapitre 2 et 3. Ce Jésus-là, qui est Dieu, est tellement proche de nous. Et là, il dit, ceux qui font la volonté de mon Père sont mes frères, mes sœurs et mes mères. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous voulez être, justement, frères et sœurs de Jésus? Apparemment, c'est possible. Est-ce que c'est quelque chose de facile de faire la volonté de Dieu? Quelque chose de difficile, de clair ou d'obscur? La réponse, c'est oui. C'est obscur, c'est difficile, parce que Corinthiens 2, 14 dit que l'homme naturel, qui n'a pas l'Esprit de Dieu, est incapable de comprendre la volonté de Dieu. Mais c'est clair, parce que Dieu répète constamment sa volonté dans la parole, et on va lire Ésaïe 52, 10 ensemble. C'est un super passage. Voilà le Dieu de l'univers qui a tout créé, Ésaïe 52, 10. Je ne sais pas pourquoi Dieu aime des pécheurs. Et alors, c'est une question qu'on peut se poser, hein. Pourquoi le Dieu qui est infiniment saint, infiniment grand, qui déborde infiniment d'amour, que la Trinité est infiniment belle, aime des pécheurs? C'est un miracle. Et le verset 10 d'Ésaïe 52 dit, « L'Éternel déploie le bras de sa sainteté, et ce, à la vue de toutes les nations. Même les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. » Tout le monde verra le salut de notre Dieu. Et par son salut, on verra aussi sa sainteté. Ce sont deux choses qui sont très proches. Parce que Dieu va rendre son peuple saint. Le salut de notre Dieu sera visible par tous les peuples, toutes les extrémités de la terre le verront. Tout le monde sera au courant et connaîtra l'histoire de Jésus, mis à mort sur une croix, mis au tombeau et revenu à la vie le troisième jour. La volonté de Dieu est donc claire et Jean 6, 40 le dit. C'est juste avant que Jésus dise que si on voulait être ses enfants, ses frères et sœurs, qu'il fallait qu'on mange son corps, qu'on boive son sang. Et Jean disait, oh, qu'est-ce qu'il raconte? Il parlait déjà de la Sainte Cène, qu'on allait manger du pain et du jus en souvenir de lui. Jésus, dans Jean 6, 40, dit, « La volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je la ressusciterai le dernier jour. » C'est ça la volonté de Dieu. C'est que si on a vu le Fils de Dieu, je pense que si on a lu attentivement ces textes, on a vu le Fils de Dieu, Dieu parmi les hommes, plein d'amour, compatissant, pardonne les péchés. On a vu le Fils de Dieu. Dieu veut qu'on croie en lui, qu'on ait la vie éternelle et qu'au dernier jour, Jésus nous ressuscite. Alors l'apôtre Pierre, dans ce passage qu'on a lu, où il dit « Jésus a accompli des grands signes, des prodiges et des miracles », il dit, comme vous le savez vous-même, cet homme vous a été livré suivant, Jésus a été livré suivant le projet défini et la préscience de Dieu. Vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies, mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible que la mort le retienne. La mort de Jésus était dans le plan de Dieu. Pour une raison incompréhensible, le Dieu de l'univers nous aime. Et quand Jésus dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés », soit on fait comme la foule et on avance puisqu'on attend quelque chose de spectaculaire, soit on est brisé parce que c'est la plus grande nouvelle qu'on ait jamais entendue. Nous avons vu ce même Jésus, ce Jésus plein de compassion. C'est Jésus qui est Dieu parmi les hommes, nous l'avons vu. Est-ce qu'on va croire en lui et le suivre? Et j'espère que c'est un encouragement pour nous de lire Marc, de découvrir à nouveau, constamment, ce Jésus, Fils de Dieu parmi les hommes. On va prier ensemble. Jésus, on a tellement besoin de toi pour le pardon des péchés. Et Père, s'il te plaît, donne-nous des cœurs brisés. Tu nous connais chacun, tu sais d'où on vient, nos difficultés, nos doutes, les choses qui nous retiennent. S'il te plaît, Seigneur, mets ton esprit en nos cœurs, qu'on ne t'ait jamais connu ou qu'on soit chrétien depuis longtemps. Donne-nous un cœur, s'il te plaît, Seigneur, qui est brisé par le péché. Donne-nous un grand amour pour ta sainteté et un désir de te connaître, Seigneur, s'il te plaît. Change nos désirs en désirs qui te sont honorables, qui te rendent gloire, qui te glorifient, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Et continue, Seigneur, à nous bénir alors que chaque jour on puise à la lire pour qu'on te découvre, Seigneur, toi le grand Dieu de l'univers qui nous aime, qui a envoyé, qui avait prévu, Seigneur, toi qui avais prévu d'envoyer Jésus depuis le début des temps sur la croix pour nos péchés. Merci, Seigneur. Et s'il te plaît, remplis-nous de joie. Au nom de Jésus. Amen. Amen.